Esdras chapitre 8. Or ce sont ici les chefs des pères, avec le dénombrement qui fut fait selon les généalogies, de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, pendant le règne du roi Artaxerxès. Des enfants de Phiné, Gersom, des enfants d'Itamar, Daniel, des enfants de David, Hattu, des enfants de Sécania, qui étaient des enfants de Paro, Zacharie, et avec lui, en faisant le dénombrement par leur généalogie, selon les mâles, 150 hommes. Des enfants de Péat Moab, Elioénaï, fils de Zéraja, et avec lui 200 hommes. Des enfants de Séchanja, le fils de Jahaziel, et avec lui 300 hommes. Des enfants d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Des enfants d'Élam, Esaïe, fils d'Atalja, et avec lui 70 hommes. Des enfants de Sephadja, Zébadja, fils de Michael, et avec lui 80 hommes. Des enfants de Joab, Abadja, fils de Jehiel, et avec lui 218 hommes. Des enfants de Selomit, le fils de Josibja, et avec lui 160 hommes. Des enfants de Bébaï, Zachari, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Des enfants d'Asga, Johanan, fils de Catan, et avec lui 110 hommes. Des enfants d'Adonicam, les derniers, desquels les noms sont Eliphelé, Jehiel, et Semaja, et avec eux 60 hommes. Des enfants de Bigvaï, Utaï, et Zabu, et avec eux 70 hommes. Et je les assemblai près de la rivière, qui se rend à Ada, et nous y demeurâmes 3 jours. Puis je pris garde au peuple et aux sacrificateurs, et je n'y trouvai aucun des enfants de Lévi. Et ainsi j'envoyai, d'entre les principaux, Éliézé, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Mésulam, avec Jojarib et Elnathan, docteurs. Et je leur donnai des ordres pour Ido, principal chef, qui demeurait dans le lieu de Kazibja, et je mis en leur bouche les paroles qu'ils devaient dire à Ido, et à son frère, Nétinien, dans le lieu de Kazibja, afin qu'ils nous fissent venir des ministres pour la maison de notre Dieu. Et ils nous amenèrent, selon que la main de notre Dieu était bonne sur nous, un homme intelligent, d'entre les enfants de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël, savoir, Sérébja, avec ses fils et ses frères, qui furent 18 hommes. Et Azabja, et avec lui Esaïe, d'entre les enfants de Merari, ses frères et leurs enfants, 20 hommes. Et des Nétiniens, que David et les principaux du peuple, avaient assignés pour le service des Lévites, 220 Nétiniens, qui furent tous nommés par leur nom. Et je publiai là le jeûne auprès de la rivière d'Ahava, afin de nous humilier devant notre Dieu, le priant de nous donner un heureux voyage pour nous et pour nos familles, et pour tous nos biens. Car j'eus honte de demander au roi des forces, et des gens de cheval, pour nous défendre des ennemis par le chemin, à cause que nous avions dit au roi, en termes express, la main de notre Dieu est favorable à tous ceux qui l'invoquent, mais sa force et sa colère est contre ceux qui l'abandonnent. Nous jeûnâmes donc, et nous implorâmes le secours de notre Dieu, à cause de cela, et il fut fléchi par nos prières. Alors je séparai 12 des principaux des sacrificateurs, avec Sérébja, Azabja, et avec Eudi de leurs frères. Et je leur pesai l'argent et l'or, et les ustensiles, qui étaient l'offrande que le roi, ses conseillers, ses gentilshommes, et tous ceux d'Israël qui s'y étaient trouvés, avaient fait à la maison de notre Dieu. Je leur pesai donc, et je leur délivrai 650 talents d'argent, et des plats d'argent pesant 100 talents, et 100 talents d'or. Et 20 plats d'or, montant à 1000 drachmes, et 2 ustensiles de cuivre resplendissants et fins, aussi précieux que s'ils eussent été d'or. Et je leur dis, vous êtes sanctifiés à l'Éternel, et les ustensiles sont sanctifiés, et cet argent et cet or est une offrande volontaire faite à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ayez-y l'œil et gardez-les, jusqu'à ce que vous les pesiez en la présence des principaux des sacrificateurs et des Lévites, et devant les principaux des pères d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs donc, et les Lévites, reçurent le poids de l'argent et de l'or, et des ustensiles, pour les apporter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Et nous partîmes de la rivière d'Ahava, le 12e jour du premier mois, pour aller à Jérusalem, et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main des ennemis, et de leurs embûches sur le chemin. Puis nous arrivâmes à Jérusalem, et nous étant reposés 3 jours. Au quatrième jour nous pesâmes l'argent et l'or, et les ustensiles, dans la maison de notre Dieu, et nous les délivrâmes à Méremoth, fils d'Urija, sacrificateur, avec lequel était Éléazar, fils de Phiné, et avec Josaba, fils de Jésua, et Noadja, fils de Binui, lévite. Selon le nombre et le poids de toutes ces choses, et tout le poids en fut mis alors par écrit. Et ceux qui avaient été transportés, et qui étaient retournés de la captivité, offrirent pour tout Israël, en holocauste au Dieu d'Israël, 12 veaux, 96 béliers, 77 agneaux, et 12 boucs pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Et ils remirent les ordonnances du roi entre les mains des satrapes du roi et des gouverneurs qui étaient en deçà du fleuve, lesquels favorisèrent le peuple, et la maison de Dieu.